بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. Lorsque le soleil sera obscurci, lorsque les étoiles s'éteindront, lorsque les montagnes seront mises en branle, lorsque les chamelles pleines seront sans gardien, lorsque les bêtes sauvages seront regroupées, lorsque les mers déborderont, lorsque les âmes rejoindront leur corps. سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. Lorsque l'on demandera à la petite fille enterrée vivante pour quel forfait elle a été tuée, lorsque les bilans seront déployés. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Lorsque le ciel sera plié, lorsque le brasier sera attisé, lorsque le paradis sera apprêté, chacun connaîtra alors son bilan. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Eh bien, je jure par les planètes qui gravitent, apparaissant tantôt et tantôt s'éclipsant, par la nuit qui avance et par l'aube qui pointe, que ce Coran est transmis par un messager éminent. Investi du pouvoir et de la confiance du maître du trône, c'est un ange respecté et fidèle. Je jure que votre compagnon n'est pas un possédé. Il l'a bien vu, l'ange Gabriel, au clair de l'horizon. Il ne saurait dissimuler le message révélé. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. Ce n'est pas la parole d'un démon maudit. Jusqu'où donc irez-vous. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. Sa révélation est un rappel aux humains, destiné à ceux parmi vous qui veulent bien suivre le bon chemin. Mais vous ne le voudrez qu'en fonction du bon vouloir d'Allah, Maître des mondes.